François-Aubert de Gaspé, L'étranger rose la tulipe. Livre audio gratuit lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. C'était le mardi gras de l'année 1700. Je revenais à Montréal après 5 ans de séjour dans le nord-ouest. Il tombait une neige collante, et quoique le temps fût très calme, je songeais à camper de bonne heure. J'avais un bois d'une lieue à passer, sans habitation, et je connaissais trop bien le climat pour m'y engager à l'entrée de la nuit. Ce fut donc avec une vraie satisfaction que j'aperçus au bord de ce bois une petite maison où j'entrais demander à couvert. Il n'y avait que 3 personnes dans ce logis lorsque j'y arrivais. Un vieillard d'une 60aine d'années, sa femme, et une jeune et jolie fille de 17 à 18 ans, qui chaussait un bas de laine bleue dans un coin de la chambre, le dos tourné à nous, bien entendu. En un mot, elle achevait sa toilette. « Tu feras mieux de ne pas y aller, Marguerite, » avait dit le père, comme je franchissais le seuil de la porte. Il s'arrêta tout court en me voyant, et, me présentant un siège, il me dit avec politesse. « Donnez-vous la peine de vous asseoir, monsieur, vous paraissez fatigué. Femme, rince un verre, monsieur prendra un coup, ça le délassera. » Les habitants n'étaient pas aussi cossus dans ce temps-là qu'ils le sont aujourd'hui. Oh non! La bonne femme prit un petit verre sans pied qui servait à 2 fins, savoir à boucher la bouteille et ensuite à abreuver le monde. Puis, le passant 2 à 3 fois dans le seau à boire, suspendu à un crochet de bois derrière la porte, le bonhomme me le présenta encore tout brillant des perles de l'ancienne liqueur que l'eau n'avait pas entièrement détachée. Et me dit « Prenez, monsieur, c'est de la franche eau-de-vie, de la vierjeuse. On n'en boit guère de semblable depuis que l'Anglais a pris le pays. » Pendant que le bonhomme me faisait des politesses, la jeune fille ajustait une fontange autour de sa coiffe de mousseline en se mirant dans le même seau qui avait servi à rincer mon verre, car les miroirs n'étaient pas communs alors chez les habitants. Sa mère la regardait en dessous avec complaisance, tandis que le bonhomme paraissait peu content. Encore une fois, dit-il en se relevant de devant la porte du poêle et en assujettissant sur sa pipe un charbon ardent d'érable avec son couteau plombé, « tu feras mieux de ne pas y aller, Marguerite. »« Ah, voilà comme vous êtes toujours, papa. Avec vous, on ne pourra jamais s'amuser. »« Mais aussi, mon vieux, dit la femme, il n'y a pas de mal. Et puis, José va venir la chercher. Tu ne voudrais pas qu'elle lui fît un tel affront. » Le nom de José sembla radoucir le bonhomme. « c'est vrai, dit-il entre ses dents. Mais promets-moi toujours de ne pas danser sur le mercredi des cendres. Tu sais ce qui est arrivé à Rose la Tulipe. »« Non, non, mon père, ne craignez pas. Tenez, voilà José. » Et en effet, on avait entendu une voiture. Un gaillard assez bien découplé entra en sautant et en se frappant les 2 pieds l'un contre l'autre, ce qui couvrit l'entrée de la chambre d'une couche de neige d'un 1/2 pouce d'épaisseur. José fit le galant, et vous auriez bien ri, vous autres qui êtes si bien nippés, de le voir dans son accoutrement des dimanches. D'abord un bonnet gris lui couvrait la tête, un capot d'étoffe noire dont la taille lui descendait 6 pouces plus bas que les reins, avec une ceinture de laine de plusieurs couleurs qui lui battait sur les talons. Et enfin, une paire de culottes vertes à mi-tasse, bordées en tavelle rouge, complétait cette bizarre toilette. « Je crois, dit le bonhomme, que nous allons avoir un furieux temps. Vous feriez mieux d'enterrer le mardi gras avec nous. » « Que craignez-vous, père ? » dit José en se tournant tout à coup et faisant claquer un beau fouet à manches rouges et dont la mise était de peau d'anguille. « Croyez-vous que Magueval ne soit pas capable de nous traîner ? Il est vrai qu'elle a déjà sorti 30 cordes d'érable du bois, mais ça n'a fait que la mettre en appétit. » Le bonhomme fut réduit enfin au silence. Le galant fit embarquer sa belle dans sa carriole, sans autre chose sur la tête qu'une coiffe de mousseline par le temps qu'il faisait. L'enveloppa dans une couverture, car il n'y avait que les gros qui eussent des robes de peau dans ce temps-là. Donna un vigoureux coup de fouet à Charmante, qui partit au petit galop, et dans un instant ils disparurent, Jean et Bête, dans la poudrerie. « Il faut espérer qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux, » dit le vieillard en chargeant de nouveau sa pipe. « Mais dites-moi donc, père, ce que vous avez à craindre pour votre fille. Elle va sans doute le soir chez des gens honnêtes. »« Ah, monsieur, reprit le vieillard, vous ne savez pas. C'est une vieille histoire, mais qui n'en est pas moins vraie. Tenez, nous allons bientôt nous mettre à table. Je vous conterai cela en frappant la fiole. Je tiens cette histoire de mon grand-père, ajouta le bonhomme, et je vais vous la conter comme il me la contait lui-même. Il y avait autrefois un nommé La Tulipe qui avait une fille dont il était fou. En effet, c'était une jolie brune que Rose La Tulipe. Mais elle était un peu scabreuse, pour ne pas dire éventée. Elle avait un amoureux nommé Gabriel Lepard, qu'elle aimait comme la prunelle de ses yeux. Cependant, quand d'autres l'accostaient, on dit qu'elle lui en faisait passer. Elle aimait beaucoup les divertissements, si bien qu'un jour de mardi gras, un jour comme aujourd'hui, il y avait plus de 50 personnes assemblées chez La Tulipe. Et Rose, contre son ordinaire, quoique coquette, avait tenu toute la soirée fidèle compagnie à son prétendu. C'était assez naturel, il devait se marier à Pâques suivant. Il pouvait être 11 heures du soir lorsque, tout à coup, au milieu d'un cotillon, on entendit une voiture s'arrêter devant la porte. Plusieurs personnes coururent aux fenêtres et, frappant avec leurs poings sur les châssis, en dégagèrent la neige collée en dehors afin de voir le nouvel arrivé, car il faisait bien mauvais. « Certes, cria quelqu'un, c'est un gros. Comptes-tu, Jean, quel beau cheval noir ? Comme les yeux lui flambent. On dirait, le diable m'emporte, qu'il va grimper sur la maison. » Pendant ce discours, le monsieur était entré et avait demandé au maître de la maison la permission de se divertir un peu. « C'est trop d'honneur nous faire, avait dit La Tulipe. Dégrayez-vous, s'il vous plaît, nous allons faire dételer votre cheval. » L'étranger s'y refusa absolument, sous prétexte qu'il ne resterait qu'une demi-heure, étant très pressé. Il ôta cependant un superbe capot de chat sauvage, et parut habillé en velours noir et galonné sur tous les sens. Il garda ses gants dans ses mains et demanda permission de garder aussi son casque, se plaignant du mal de tête. « Monsieur prendrait bien un coup d'eau-de-vie, » dit La Tulipe en lui présentant un verre. L'inconnu fit une grimace infernale en l'avalant, car La Tulipe, ayant manqué de bouteille, avait vidé l'eau bénite de celle qui tenait à la main et l'avait remplie de cette liqueur. C'était bien mal, au moins. Il était beau, cet étranger, si ce n'est qu'il était très brun et avait quelque chose de sournois dans les yeux. Il s'avança vers Rose, lui prit les deux mains et lui dit « J'espère, ma belle demoiselle, que vous serez à moi ce soir et que nous danserons toujours ensemble. » « Certainement, dit Rose à demi-voix, et en jetant un coup d'œil timide sur le pauvre lépard, qui se mordit les lèvres à en faire sortir le sang. L'inconnu n'abandonna pas Rose du reste de la soirée, en sorte que le pauvre Gabriel, renfrogné dans un coin, ne paraissait pas manger son avoine de trop bon appétit. Dans un petit cabinet qui donnait sur la chambre de bal, était une vieille et sainte femme qui, assise sur un coffre au pied d'un lit, priait avec ferveur. D'une main, elle tenait un chapelet et de l'autre se frappait fréquemment la poitrine. Elle s'arrêta tout à coup et fit signe à Rose qu'elle voulait lui parler. « Écoute, ma fille, lui dit-elle, c'est bien mal à toi d'abandonner le bon Gabriel, ton fiancé, pour ce monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, car chaque fois que je prononce les saints noms de Jésus et de Marie, il jette sur moi des regards de fureur. Vois comme il vient de nous regarder avec des yeux enflammés de colère. « Allons, tante, dit Rose, roulez votre chapelet et laissez les gens du monde s'amuser. » « Que vous a dit cette vieille radoteuse ? Dit l'étranger. « Bah, dit Rose, vous savez que les anciennes prêchent toujours les jeunes. » Minuit sonna, et le maître du logis voulut alors faire cesser la danse, observa qu'il était peu convenable de danser sur le mercredi des cendres. « Encore une petite danse, dit l'étranger. « Oh oui, mon cher père, dit Rose. » Et la danse continua. « Vous m'avez promis, belle Rose, dit l'inconnu, d'être à moi toute la veillée. « Pourquoi ne seriez-vous pas à moi pour toujours ?»« Finissez donc, monsieur, ce n'est pas bien à vous de vous moquer d'une pauvre fille d'habitant comme moi, » répliqua Rose. « Je vous jure, dit l'étranger, que rien n'est plus sérieux que ce que je vous propose. Dites « oui » seulement, et rien ne pourra nous séparer à l'avenir. « Mais monsieur !» Et elle jeta un coup d'œil sur le malheureux lépard. « J'entends, dit l'étranger d'un air hautain, vous aimez ce Gabriel ?» Ainsi, n'en parlons plus. Oh oui, je l'aime, je l'ai aimé. Mais tenez, vous autres, gros messieurs, vous êtes si enjôleurs de filles que je ne puis m'y fier. Quoi, belle Rose, Vous me croiriez capable de vous tromper ? S'écria l'inconnu. Je vous jure par ce que j'ai de plus sacré, pas... Oh non, ne jurez pas, je vous crois, dit la pauvre fille. Mais mon père n'y consentira peut-être pas. Votre père, dit l'étranger avec un sourire amer, dites que vous êtes à moi, et je me charge du reste. Eh bien oui, répondit-elle. Donnez-moi votre main, dit-il, comme sceau de votre promesse. L'infortunée Rose lui présenta la main, qu'elle retira aussitôt en poussant un petit cri de douleur, car elle s'était sentie piquée. Elle devint pâle comme une morte, et, prétendant un mal subi, elle abandonna la danse. Deux jeunes maquignons rentraient dans cet instant d'un air effaré et prenant la tulipe à part, ils lui dirent « Nous venons de dehors examiner le cheval de monsieur. Croiriez-vous que toute la neige est fondue autour de lui et que ses pieds portent sur la terre ?» La tulipe vérifia ce rapport et parut d'autant plus saisie d'épouvante qu'ayant remarqué tout à coup la pâleur de sa fille auparavant, il avait obtenu d'elle un demi-aveu de ce qui s'était passé entre elle et l'inconnu. La consternation se répandit bien vite dans le bal. On chuchotait, et les prières seules de la tulipe empêchaient les convives de se retirer. L'étranger, paraissant indifférent à tout ce qui se passait autour de lui, continuait ses galanteries auprès de Rose, et lui disait en riant, et tout en lui présentant un superbe collier en perles et en or, « Ôtez votre collier de verre, belle Rose, et acceptez pour l'amour de moi ce collier de vraies perles. » Or, à ce collier de verre, pendait une petite croix, et la pauvre fille refusait de l'ôter. Cependant, une autre scène se passait au presbytère de la paroisse, où le vieux curé, agenouillé depuis 9 heures du soir, ne cessait d'invoquer Dieu, le priant de pardonner les péchés que commettaient ses paroissiens dans cette nuit de désordre, le mardi gras. Le saint vieillard s'était endormi en priant avec ferveur et était enseveli depuis 1 heure dans un profond sommeil, lorsque, s'éveillant tout à coup, il courut à son domestique en lui criant « Ambroise, mon cher Ambroise, lève-toi et attelle vite ma jument. Au nom de Dieu, attelle vite. Je te ferai présent d'un mois, de 2 mois, de 6 mois de gage. » « Qu'y a-t-il, monsieur ? » cria Ambroise, qui connaissait le zèle du charitable curé. « Y a-t-il quelqu'un en danger de mort ?»« En danger de mort, répéta le curé, plus que cela, mon cher Ambroise. Une âme en danger de son salut éternel. Attelle, attelle promptement. » Au bout de 5 minutes, le curé était sur le chemin qui conduisait à la demeure de la tulipe, et malgré le temps affreux qu'il faisait, avançait avec une rapidité incroyable. C'était, voyez-vous, Sainte Rose qui aplanissait la route. Il était temps que le curé arriva. L'inconnu, en tirant sur le fil du collier, l'avait rompu et se préparait à saisir la pauvre Rose, lorsque le curé, prompt comme l'éclair, l'avait prévenu en passant son étole autour du cou de la jeune fille, et, la rapprochant de sa poitrine où il avait reçu son Dieu le matin, s'écria d'une voix tonnante. « Que fais-tu ici, malheureux, parmi des chrétiens ?» Les assistants étaient tombés à genoux à ce terrible spectacle et sanglotaient en voyant leur vénérable pasteur qui leur avait toujours paru si timide et si faible et maintenant si fort et si courageux face à face avec l'ennemi de Dieu et des hommes. « Je ne reconnais pas pour chrétien, répliqua Lucifer en roulant des yeux ensanglantés, ceux qui, par mépris de religion, passent à danser, à boire et à se divertir les jours consacrés à la pénitence par vos préceptes maudits. D'ailleurs, cette jeune fille s'est donnée à moi, et le sang qui a coulé de sa main est le sceau qui me l'attache pour toujours. « Retire-toi, Satan !» s'écria le curé en lui frappant le visage de son étole et en prononçant des mots latins que personne ne put comprendre. Le diable disparut aussitôt avec un bruit épouvantable et laissant une odeur de soufre qui pensa suffoquer l'assemblée. Le bon curé, s'agenouillant alors, prononça une fervente prière en tenant toujours la malheureuse Rose, qui avait perdu connaissance, et tous y répondirent par de nouveaux soupirs et par des gémissements. « Où est-il? Où est-il ? » s'écria la pauvre fille en recouvrant l'usage de ses mains. « Il a disparu » s'écria-t-on de toutes parts. « Oh, mon père, ne m'abandonnez pas !» s'écria Rose en se jetant aux pieds de son vénérable pasteur. « Emmenez-moi avec vous, vous seul pouvez me protéger. Je me suis donné à lui. » « Je crains toujours qu'il ne revienne. Un couvent, un couvent !»« Eh bien, pauvre brebis égarée et maintenant repentante, lui dit le vénérable pasteur, venez chez moi, je veillerai sur vous, je vous entourerai de 5 reliques, et si votre vocation est sincère, comme je n'en doute pas après cette terrible épreuve, vous renoncerez à ce monde qui vous a été si funeste. 5 ans après, la cloche du couvent de... avait annoncé depuis 2 jours qu'une religieuse de 3 ans de profession seulement avait rejoint son époux céleste, et une foule de curieux s'était réunie dans l'église de grand matin pour assister à ses funérailles. Tandis que chacun assistait à cette cérémonie lugubre avec la légèreté des gens du monde, 3 personnes paraissaient navrées de douleur. Un vieux prêtre agenouillé dans le sanctuaire qui priait avec ferveur, un vieillard dans la nef qui déplorait en sanglotant la mort d'une fille unique, et un jeune homme en habit de deuil qui faisait ses derniers adieux à celle qui fut autrefois sa fiancée, la malheureuse Rose Tulipe.